Andreas Salomé. Lou Andreas Salomé. Yves Simon. Mademoiselle von Salomé a 23 ans. Elle vient de conduire Nietzsche qu'il aimait plus que tout. Mais elle vient aussi de rencontrer Friedrich Karl Andreas, qui lui donnera son nom de Lou Andreas Salomé pour l'éternité. La santé de Lou demeure fragile. Elle tousse, s'amaigrit, puis comme lors d'un changement de saison, retrouve sourire et l'exubérance de la vie. Alors que Nietzsche écrit son Zarathoustra, Ré et Lou vivent dans un trois pièces à Berlin. La vie y est joyeuse. Ils sortent, se montrent et profitent de tout ce que le monde berlinois leur offre. Théâtre, conférences, ils canotent sur le lac de Wannsee, discutent sans cesse entre amis, entre eux. La ville est effervescente avec de nouvelles philosophies et de nouveaux modes de pensée. Le positivisme, comme les théories darwiniennes, sont en plein essor quant aux traditions. Elles sont soumises à la rigueur de l'examen scientifique. L'intellect prime sur le cœur dans un monde d'hommes où les femmes sont peu présentes. À 23 ans, Lou écrit une lutte pour Dieu, une manière de rassurer sa famille, surtout sa mère, sur ses activités et sa vie berlinoise en compagnie de Paul Ré. Le livre, une autobiographie détournée, puisque le narrateur est masculin, de sa jeunesse russe, de ses rapports à la religion, à Dieu, un retour sur soi qu'elle signera Henri Lou. Le livre obtient un succès critique, celui au moins qu'elle désirait afin d'apparaître aux yeux du monde et de sa famille, comme quelqu'un qui vide sa plume et assume par là même son indépendance. Ré et elle vivent en amis, partagent le même appartement, mais ils ne sont pas amants. Aux yeux de l'extérieur, ils apparaissent comme un couple sans sexe, ce qui fait une réputation déplaisante à Ré qui parfois l'assume mal. Même pour un masochiste et éternel insatisfait comme lui, la situation est humiliante. D'ailleurs, ses amis l'appellent la demoiselle d'honneur de Lou. Ils vivront ainsi durant 5 années comme frères et sœurs. Il n'en sera jamais autrement. À l'intérieur du cercle d'amis qu'il fréquente, Lou est appelée son excellence, ce qui est d'un tout autre cru. Elle a de multiples soupirants, elle flirte et embrasse, s'amuse et étreint. Elle s'en va, fait des escapades de 2 ou 3 jours, mais revient en femme fidèle au bercail, dans le giron de Ré. On ne sait si ses flirts furent transformés en aventure. Lou, brillante côté intellect, continue d'être d'une lenteur coupable côté sexe. Sans doute ne se sent-elle pas encore prête. Pourtant, ses courtisans, comme à son habitude, sont brillants. Ferdinand Tönnies deviendra un des plus éminents sociologues allemands, l'être le plus intelligent après Nietzsche qu'elle ait rencontré, dit de lui Ré. Hermann Ebbinghaus, le rival du moment, enseigne la psychologie expérimentale. Lorsqu'une lutte pour Dieu paraît en librairie, Nietzsche écrit « Je dois avouer que mon amour pour Lou s'est brusquement enflammé en lisant son livre. » Mon ami Ebbinghaus l'a appelé fantaisie d'une nonne, mais j'ai trouvé dans ce livre beaucoup d'esprit. Et c'est de cet esprit dont je suis tombé un jour amoureux. L'inattendu survient dans ce panorama brillant de la coterie berlinoise, sous les traits du plus improbable des personnages, Friedrich Karl Andreas, l'homme qui va donner son nom définitif à Mademoiselle Salomé pour nous la faire connaître de son patronyme entier, Lou Andreas Salomé. Paul Ré ne s'en remettra pas, et ayant échoué à sa candidature de professeur d'université, il va entreprendre comme Wittgenstein plus tard, devenant aide-infirmier à Londres, des études de médecine afin de devenir médecin des pauvres, jusqu'à la fin de ses jours. Ascétiques tous les deux, ils tiraient une légitime fierté d'être des penseurs occasionnels. D'ailleurs, le soir même où Lou lui apprend ses fiançailles avec Andreas ainsi que leur futur mariage, il disparaîtra de sa vie, sans bruit, sans scène. Ce n'est pas le genre. Ce soir-là, il pleut à verse, il sort, puis revient prendre un livre. Lou et lui parleront jusqu'à l'aube. Définitivement, il part. Ils ne se reverront pas. Elle décrira cet ultime instant. J'aperçus à la lumière de la lampe une petite photographie de moi lorsque j'étais enfant et que j'avais donnée à Ray. Auprès d'elle, sur un papier plié, il avait écrit « Soyez bonne, ne me cherchez pas ». Le 28 octobre 1901, on le retrouvera noyé dans l'Inn, tombé d'une falaise escarpée. Tombé, suicidé. Retour à Andreas. Les amis du cercle et de l'arrière-cercle, eux aussi, sont sidérés et se demandent « Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous ? Ou de moins ?» Une barbe noire qui lui mange le visage, petite taille de plus, trapue et gauche. Comme dans un conte des Mille et une nuits, le docteur Friedrich Karl Andreas a, de par ses origines, presque traversé le monde avant de venir frapper à la porte de Lou Salomé. De voir ce gros oiseau sur le seuil de sa maison donne envie à la jeune femme de l'écouter pour savoir de quelle planète il vient de surgir. Ses origines le localisent dans les Indes orientales hollandaises où son grand-père s'est installé au début du siècle. Mariage avec une malaise. De cette union naît une fille, la mère d'Andreas, qui va épouser le fils d'une ancienne famille perse de sang royal, les Bagratouni. Le petit Andreas, doté de ce riche héritage tout d'Orient et d'Occident, va naître à Batavia, dans l'île indonésienne de Java. Il passera là les 6 premières années de sa vie avant un rapatriement européen pour Hambourg. Le début du conte est exotique et plaît à Lou. Elle veut tout savoir. Andreas s'empresse d'en venir à son propre savoir, son parcours universitaire. Il est un spécialiste des langues orientales, du perse en particulier, la langue de ses ancêtres. Long séjour dans des universités danoises, suisses, allemandes, il a fait de fréquents voyages en Perse avec la mission astronomique allemande afin d'observer la planète Vénus. Bref, Andreas a bourlingué, il parle 10 langues, sans doute a-t-il lu le roman de Lou et a entendu parler de sa beauté dans les cercles de Berlin, d'où sa présence pressante. Il a 15 ans de plus qu'elle, veut l'épouser, il est concret, rond dans ses idées, comme dans son corps. Lou fait un pari sur l'homme. S'il n'est pas brillant, il a une fantastique culture dans des domaines qu'elle ignore, jusqu'à y compris une connaissance pointue des animaux, de la nature et des reptiles en particulier. Médecin à 16 heures, lors de ses nombreuses pérégrinations, il assura des guérisons auprès des cours persanes qui lui valurent admiration et reconnaissance. Que faire face à un tel homme ? Comme si elle voulait disposer d'une pause dans sa vie, après les tumultes Gillot, Nietzsche et Ray, Lou, qui n'a aucun désir pour lui, propose un pacte. D'accord pour un mariage, mais non consommé. Il accepte, espérant bien la ramener un jour à sa loi, celle du sexe. Andreas se fait tellement pressant qu'il lui fabrique pour la décider une tentative de suicide la veille des fiançailles. Il avait l'habitude de porter un court et lourd couteau de poche sur lui. Il était resté sur la table en face de laquelle nous étions assis. D'un geste calme, il le saisit soudain et le plongea dans sa poitrine. À demi folle, je me précipitai dans la rue, courant de maison en maison à la recherche d'un médecin. Large blessure, la plaie est longue à cicatriser. Andreas sera sauvé. Pourquoi se poignarder une veille de fiançailles ? Peut-être Lou venait-elle de murmurer un nom définitif et arrogant lors d'une ultime requête, ce qu'elle ne nous dira jamais. Ce qu'elle écrit en revanche dans ses mémoires, c'est qu'Andreas la força à l'épouser. Il est pour le moins étrange qu'une femme libre comme elle commette un mariage de raison. Car son idéal est bien sûr l'amour, qui serait suivi, servi, ornementé par sa conclusion logique, le sexe. Elle n'a pas de répulsion pour celui-ci, mais elle le place si haut qu'il doit n'être qu'une résultante de l'amour, sans jamais avoir à le précéder. L'amour qu'elle n'a éprouvé que pour Gillot en pleine adolescence, et à ce jour jamais ressenti dans sa vie adulte. Lou, de fait, est une idéaliste romantique qui place au plus élevé ce qui pour d'autres semble faire partie des normes du commun de la vie. Pendant 43 ans, Lou sera sur le papier pour la postérité, Madame Lou Andreas Salomé. Bien plus tard, dans sa retraite de Göttingen, elle écrira. La personne que nous aimons, quel que soit le degré d'exaltation et de bouleversement de l'âme et de l'esprit des deux amants, est un prêtre en habit liturgique, qui n'a qu'un pâle pressentiment de ce qu'il célèbre. Pour l'heure, elle voit en lui plus un père qu'un mari. D'ailleurs, ne s'appelle-t-il pas dans l'intimité Alterchen, ce qui signifie « petit vieux », et Töchting, ma petite fille. Redoutable, n'est-ce pas ? C'est Georges Ledebourg, écrivain et futur député du Reichstag, qui va éveiller chez Lou pour la première fois un vrai désir et qui la troublera. Apprenant cette liaison, Andreas songera plusieurs fois au suicide. Elle refuse de suivre Ledebourg qui la demande pour femme et qui a deviné que son mariage avec Andreas était blanc. Elle évoquera plus tard dans ma vie ce ratage où elle eut pour la première fois un désir d'enfant et celui d'entrer dans une normalité conjugale. Mais le mari, c'est Andreas, et il le demeure. Toutefois, cette crise a ravivé l'antagonisme sur la nullité de leur mariage, et elle va obtenir que son mari n'exerce plus aucun contrôle sur sa vie amoureuse. Mariée, mais libre. Seul Lou Andreas Salomé pouvait avoir songé à ce pacte peu commun et être parvenu à le faire accepter. Dans les années 90, le couple va élire domicile à Tempelhof, puis à Schargendorf, dans la banlieue de Berlin. Ils mèneront une vie intellectuelle mondaine et se parleront peu. Nietzsche, lors de leur intimité, avait incité Lou à philosopher sur le religieux. La foi et la perte de la foi ayant été la grande affaire de l'adolescence de Lou, ce sont 11 essais qu'elle publiera entre 1891 et 1898. Ce sera aussi une étude sur les personnages féminins d'Ibsen, puis un roman, Ruth, où elle évoquera l'épisode Gillot et ses premiers émois. En 1894, elle écrit un essai intitulé Friedrich Nietzsche, qui demeure jusqu'à aujourd'hui un des plus pertinents sur le philosophe et le premier travail de référence sur sa pensée. Chez aucun autre écrivain, nous ne voyons l'œuvre adhérer aussi étroitement à la biographie de son auteur, au point qu'on croirait voir son esprit s'infecter et se guérir tour à tour par la puissance de sa propre pensée. Dans la maladie, Nietzsche était torturé par un désir de santé. Quand il avait la santé, un désir de maladie le plongeait dans la souffrance. C'est une biographie de douleur que Lou a écrite 12 ans après leur séparation. Elle s'abstient cependant de préciser la durée exacte de ses relations avec le philosophe, faisant même croire qu'elles se sont prolongées bien au-delà de l'ultime rencontre de Leipzig. Elle évite les dates, elle évite les faits, elle cite les admirations du philosophe à son égard, se gardant bien de nous transmettre les rages et les critiques qu'elle put lui inspirer. D'ailleurs, elle se permet le luxe de gloser sur le dépit amoureux, comme de l'immense détresse de Nietzsche qui précédèrent l'écriture de Zarathoustra, omettant bien sûr de dire qu'elle en est la seule responsable. Bref, malgré quelques entorses à la vérité historique, le livre est une réussite. Et Bruno Hillebrand écrira en 1976 « Lou Andreas Salomé fut la première à scruter en profondeur la vie et la pensée de Nietzsche. » Vivre et voyager. Les déambulations européennes de Lou, comme celles de ses contemporains intellectuels, ressemblent à une danse cosmopolite qui s'inscrirait sur les cartes du monde, et où chaque destination serait le lieu de rencontre qui galvanise et donne le sentiment de vivre sa vie au maximum de ses potentialités. Le monde s'accélère et Lou veut profiter de cette liberté nouvelle et se rendre, quand elle le désire, là où les choses bougent. Les trains roulent vite, l'automobile est là, la télégraphie s'enfile aussi et surtout, ce qui va bouleverser le siècle suivant, l'électricité. Si les bourgeois applaudissent, les intellectuels sentent bien qu'un monde est en train de se terminer et ils imaginent les effets pervers du progrès. Les usines apportent la fortune au capital et envoient des milliers de paysans dans les villes pour y rencontrer et le travail et le plus souvent la misère. Karl Marx vient à peine de mourir, l'ère industrielle est en plein essor avec son prix du labeur contre une force de travail, le muscle de l'homme. Les femmes et de jeunes enfants travaillent dans les nouvelles manufactures où ils sont exploités, tandis que les hauts fourneaux qui produisent l'acier comme les mines de charbon vont devenir les hauts lieux des luttes ouvrières et du syndicalisme. Des mots nouveaux apparaissent. Valeurs marchandes, capitalistes, prolétariat, plus-value. Émeutes, grèves, la police réprime. De nouveaux partis politiques émergent qui font appel à la solidarité avec la classe ouvrière. Le socialisme est né et s'installe dans les têtes européennes. Les aspirations de Lou pour elle-même et pour ses contemporains coïncident avec cette effervescence politique, sociale et artistique. Berlin n'est pas en reste des autres capitales avec son théâtre libre qui a pour mission de créer toutes les pièces interdites par la censure. Nous vivons à une époque de résurrection. Le gazon mort se décompose pour apporter une vie nouvelle. Partout, il y a des signes de cet esprit inconscient, imperturbable et prophétique. Lou se lie d'amitié avec les protagonistes de ses clubs. Elle y rencontre des écrivains, des dramaturges. Strindberg, Bruno Wille, Max Halbe. Son mépris qu'elle a toute sa vie affiché contre la morale bourgeoise trouve ici son écho et il se trouve amplifié. Sa liaison avec Nietzsche n'est pas non plus étrangère à son ascension. Elle plaît, elle écrit, elle a déjà une légende pour la porter. Pour assurer sa liberté, donc son indépendance, elle ne cesse d'écrire. Paris, Saint-Pétersbourg, Vienne et Munich deviennent ses niches provisoires. Elle y vit comme en résidence secondaire, précédée de sa légende qui en fait un personnage européen recherché et surtout admiré. Comme le résume fort bien son remarquable biographe Peters, être à la fois une femme mariée, une bohème littéraire et une vierge était une combinaison invraisemblable. On pourrait ajouter, avec la grâce de la beauté et de l'intelligence en plus, le personnage Lou est un must pour les gazettes, les cercles avant-gardistes et les milieux littéraires toujours à l'affût de la perle rare. Et rare, elle l'est. Mais encore plus important que sa renommée grandissante, quelque chose de primordial est en train de se passer dans son corps. Enfin, sa silhouette se féminise. Enfin, Lou est à l'écoute de ses désirs et elle est prête à cesser la censure qu'elle leur a infligée. Comme si inconsciemment tout son être se préparait à l'amour et à la rencontre qu'il ferait naître, Lou épouse sa féminité intérieure et extérieure comme une bénédiction. Vienne a commencé son apocalypse joyeuse. Ici plus qu'ailleurs, les médecins et les artistes s'emploient à explorer l'âme humaine. Ici plus qu'ailleurs, on invente, on ose affronter les labyrinthes intérieurs de l'homme alors que les intellectuels et artistes des autres pays n'observent que sa condition socio-économique. Art et science se mêlent, et Hofmannsthal décrit poétiquement dans le livret qu'il écrit pour Strauss, Electra, ce que s'emploie à déjà observer cliniquement le docteur Freud, les pulsions de l'inconscient. Vienne, ville des mondes qui meurent et des mondes qui renaissent, ville de cauchemars ou de plaisirs. La bohème littéraire viennoise est insouciante, raffinée et enthousiaste. Chaque bourgeois de cette ville était promis par son éducation à ce cosmopolitisme qui répudie tout nationalisme étroit à la dignité, enfin, de citoyen du monde, écrira Stefan Zweig. À l'aube de son déclin, l'empire des Habsbourg ne peut imaginer sa chute. Et il se fabrique un monde en trompe-l'œil, aveugle aux mutations en train de se poursuivre et aux grands bouleversements qui se préparent. Fin avril 1997, Lou quitte Vienne pour Munich, où elle est rejointe par Frida von Bülow qui vient d'y faire une conférence. Nombreuses rencontres dans Schwabing, le quartier latin de la ville, avec l'intelligentsia locale qui, elle, déteste la bière et le patriotisme bavarois. Jusqu'à ce jour du 12 mai 1897, où la vie de Lou va basculer. Jacob Wassermann, un écrivain, lui présente un jeune poète tout juste arrivé de Prague. Lou Andrea Salomé va devenir, dans le même temps, amoureuse et amante, ce que sa vie pourtant, hors du commun, ne lui avait jamais autorisé. Je veux te donner l'amour, celui-là et cet autre encore. Rainer Maria Rilke. Lou va avoir 36 ans, et ses idées sur l'amour et le mariage vont soudain se briser sur le cristal fragile d'un poète de 22 ans. Il a peu publié, n'est connu que de quelques jeunes gens fervents, et rien ne laisse supposer qu'il va devenir un des grands poètes du siècle à venir. Le nouveau Hofmannsthal, comme on le surnommera vite, éblouit Lou par ses yeux violets. Lui est fasciné par les yeux tigres de la belle. Et cette histoire de regard va conduire l'une au premier abandon de sa vie, l'autre vers un visage au nombre de mots infinis pour en décrire la beauté. Il se prénomme René, Lou n'aime pas, ce sera donc Rainer. Rainer Maria Rilke, pour l'éternité. Une femme ne meurt pas d'amour, mais si elle manque d'amour, elle dépérit. Ce sont les mots qu'elle écrivait à Tautenburg lorsqu'elle se trouvait en compagnie de Nietzsche. Qu'elle se rassure, elle va être aimée, devenir amante, adulte et éprise. Elle qui a su toute sa vie séduire par l'esprit et qui n'a cru obtenir son salut et son statut que par un intellect dont le corps ne pouvait qu'être absent, se transforme de Don Juan en amoureuse ardente pour un homme, un seul homme. Rilke la bouleverse et l'amour durera avec lui 3 ans, leur amitié plus de 30. Sois pour moi signe et oracle et mène ma vie à la fête. Au début de leur rencontre, elle se moque tendrement de la juvénilité de Rilke et reste quelques semaines sous l'emprise de ses réflexes de toujours, attendre. Pour la première fois, elle désire un corps, mais se laisse le temps d'intérioriser ce que son esprit réclame. Rilke lui écrit, au lendemain de leur première rencontre, que ce n'est pas la première fois qu'il a le privilège de passer une soirée crépusculaire avec elle. J'avais l'impression d'être quelqu'un dont les grands rêves se sont accomplis. Comme si déjà ils se complétaient, Rilke esquisse là une histoire d'amour littéraire qui, tout en restant pour l'instant non dite, augure d'une autre histoire à consonance plus charnelle. Mais devant témoin, il n'a pu lui avouer cette complémentarité, il s'est tu, d'où sa lettre. Car si quelqu'un doit quelque chose d'aussi précieux à quelqu'un d'autre, sa gratitude doit rester un secret entre deux. Lorsqu'il ne l'aperçoit ni au café ni au théâtre, amoureux transi, il la cherche la nuit, dans les rues de Munich. Avec quelques roses à la main, j'ai parcouru toute la ville et le jardin anglais, parce que je voulais vous offrir ces roses. Mais au lieu de les laisser à votre porte, je les ai gardées avec moi, tremblant d'impatience à vous découvrir quelque part. Elle est vite subjuguée par le jeune homme, et elle ne résistera pas longtemps. Il écrit encore. Je veux être toi. Je ne veux avoir aucun rêve qui ne te connaisse, ni aucun désir que tu ne puisses accorder. Je ne veux rien faire qui ne te loue. Je veux être toi. Et mon cœur brûle devant ta grâce comme la lampe éternelle devant l'image de Marie. C'est au bout de quelques semaines qu'elle va succomber et qu'ils vont partager leur première étreinte, une nuit à deux, totale et sans retenue. Étonnement de Lou, le presque enfant est un passionné, très versé dans l'art de l'amour, dit-elle. L'enfant Rilke devient le maître de ses nuits, l'amant qu'elle imaginait et attendait, depuis toujours. Elle racontera ainsi la naissance de leur idylle. L'amour vint sans défi ni sentiment de culpabilité. Un peu comme l'on découvre quelque chose de béni, par lequel le monde devient parfait. Lorsqu'elle reviendra encore sur cet amour aussi fulgurant que fusionnel, elle retiendra son absolue évidence. J'ai été ta femme pendant des années, parce que tu fus la première réalité où l'âme et le corps sont indiscernables l'un de l'autre. C'est ainsi que nous sommes devenus mari et femme, avant même de devenir des amis. Non pas par choix, mais par cet insondable mariage. Ce n'étaient pas deux moitiés qui se cherchaient. Tremblante, notre unité surprise reconnaissait une unité préordonnée. Nous étions frères et sœurs, mais comme dans ce passé lointain, avant que le mariage entre frères et sœurs ne devienne sacrilège. Ils se choient, ils se couvent, ils ne se quittent plus. Chaque jour, Rilke écrit des lettres, des poèmes. Lou l'inspire, il chante, il exulte. Ô généreuse, tu donnes des rêves à mes nuits, des chants à mes matins, des buts à mes jours et des désirs solaires à mes rouges crépuscules. C'était Lou Andreas Salomé. Par Yves Simon. Réalisation, Doria Zénine. Équipe de réalisation pour la rediffusion en feuilleton, Catel Guillou et Thomas Beau.